rubber legs on the trail. Ooh. Oh yeah. Encore une fois, je n'ai pas su trouver les mots. Je t'en prie, n'en aie pas peur. J'ai besoin de temps pour me jeter à l'eau. J'ai peur de noyer dans tes yeux, car tu me donnais des ailes. Quand j'atterris, le cœur affaibli. Je suis à l'agonie, si loin de toi. Tombé quand j'atterris, oh ma chérie. Laisse-moi me réfugier dans tes bras. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, mamé. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer. Quand j'atterris, le cœur affaibli. Je suis à l'agonie, si loin de toi. J'ai tombé quand j'atterris, oh ma chérie. Laisse-moi me réfugier dans tes bras. Je te suis, tu me fuis. Ma raison de vivre, yeah, yeah. Ma chérie, j'atterris. Planer, fais-moi planer, mamé. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Fais-moi planer, fais-moi planer, fais-moi planer, maman. Maman, reviens chérie, reviens bébé, reviens mon amour. Boule go, boule go, yo boule ngamponini. Boule go, yo boule go, yo boule ngamponini. Boule go. Quand j'atterris, mon cœur affaibli. J'atterris, oh ma chérie, laisse-moi me réfugier dans tes bras. Je te suis.